Aujourd'hui, à Assemblage requis, Émilie Gauthier nous parle de sa tante, l'abri. Comment ça qu'elle a une tante qui s'appelle l'abri? Son nom, c'est Gauthier. Non, mais là, sa tante, l'abri, pas comme sa tante, l'abri, c'est comme sa tante, l'abri. Ben, c'est ça que je disais, sa tante, l'abri, Gauthier, ça marche pas. Laisse donc faire. Assemblage requis, mardi, 15h.